Je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground. Qui l'a déjà ? Rôle de jeu, ou pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ludologie. Cette semaine encore, on va parler de jeux, a priori plutôt jeux vidéo, mais on va sans doute parler aussi de jeux de société et de jeux de rôle. Et aujourd'hui, nous allons recevoir Sébastien Alain, chercheur en information et en sciences de l'information et de la communication, et qui est membre donc de l'OMNSH, l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Et pour m'accompagner sur ce podcast, c'est Fanny qui s'y colle. Bonjour à tous et à toutes. Et avant de lancer concrètement l'épisode, comme on a commencé à le faire depuis quelques semaines, je voulais vous parler de notre Tipeee. Voilà. Ludologie, l'équipe de Ludologie a créé une association qui s'appelle Studio Dilettante dans l'idée d'encadrer Ludologie, mais aussi de proposer des nouveaux projets, de participer à plus de podcasts. Et pour pouvoir réaliser tous ces beaux projets, on a besoin de soutien parce qu'il faut pouvoir héberger les podcasts. Il faut qu'on renouvelle notre matériel aussi qui commence à faiblir du fait qu'on le trimballe beaucoup et qu'on enregistre plein de super épisodes que vous aimez beaucoup. Voilà. Et donc, il y aura le lien en description. C'est Tipeee, T-I-P-E-E-E. Il y a trois E, moi je l'oublie tout le temps. /studio-dilettante. Et un petit mot quand même, parce qu'à l'heure où on enregistre, on a déjà 6 tipeurs, alors qu'on vient juste de lancer le Tipeee. Et du coup, un gros, gros merci à Gaël, Mathieu, Emmanuel, Lacariatre, Christian et El Blaireau, qui nous soutiennent déjà. Et c'est fantastique. Merci à vous. Et puis, merci à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent. Et oui, merci beaucoup à vous. Et donc aujourd'hui, nous rencontrons Sébastien Alain, comme je disais, chercheur en sciences de l'information et de la communication. Peut-être que je vais te laisser peut-être spécifier tes recherches. On aura l'occasion de voir un peu le détail ensemble, mais je pense que tu as des choses peut-être un peu plus précises à nous dire pour décrire ton travail. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour à nos auditeurs aussi. Alors, je vais essayer de me définir, qui est l'exercice toujours un peu compliqué, mais je m'y colle, allez, je tente, sans être dans le mode automatique. Alors, vous avez raison, j'ai une activité de recherche, je suis chercheur associé, et ça occupe une partie de mon temps qui me permet de publier des articles, et aussi de donner des cours, de participer à des colloques. C'est pas mon activité unique, parce qu'à côté de ça, je travaille dans une entreprise qui s'appelle SBT, SBT Humans Matter, qui est une entreprise, on va dire, pour faire très très court, de conseils dans la transformation des entreprises, l'accompagnement des collectifs. Et ça, c'est une partie de mon activité aussi, où, quelque part, je mêle de l'univers scientifique de la recherche pour produire des objets à la fois pour former les personnes, pour qu'elles se forment, pour qu'elles apprennent, pour qu'elles se développent, pour qu'elles s'évaluent, en utilisant les outils numériques notamment. Et donc dans cette entreprise, j'ai un poste de direction de l'expérience utilisateur. Donc voilà, une casquette purement recherche, une casquette enseignement, une casquette dans le privé sur l'expérience utilisateur. Et à la croisée de ça, ta question c'était c'est quoi mes champs ? Alors là aussi c'est l'exercice où il faut que je rassemble mes idées, mais disons que ma thèse, elle était sur deux pans, deux disciplines déjà, c'est peut-être le plus simple pour attaquer. Elle était à la fois dans les sciences de la communication et à la fois dans les sciences de l'éducation. Et à la croisée de ça, j'ai cherché à comprendre comment on pouvait, avec un jeu vidéo d'un type particulier, qu'on dit « serious game », le jeu sérieux, permettre à des personnes de se former, de développer leurs compétences. Effectivement, on aura l'occasion sans doute tout à l'heure d'en reparler de cette activité autour du Serious Game. Nous, si on t'a invité, c'est suite à un article que tu as publié, je crois, en 2018. À l'été dernier, oui. Donc avec un titre, alors j'espère que je ne vais pas écorché. Donc c'est Métalepse du récit vidéoludique et reviviscence du sentiment de transgression. Alors, tout un programme. Mais voilà, il y a beaucoup de mots dans ce titre. Mais en tout cas, c'est pour ma part, en tout cas quand j'ai lu, le mot transgression m'a attiré. Et peut-être d'abord, avant de commencer et de parler peut-être de ce que c'est la fameuse Métalepse, je pense qu'on se le demande. C'est peut-être, toi, ta définition d'un mot plus basique, mais qui va être central pour aujourd'hui, c'est le mot transgression. Quelle est ta définition de la transgression ? Oui, absolument. D'autant qu'il faudra préciser que cet article vise un type très spécifique. Alors, je ne sais pas, pour faire simple, je dirais qu'une transgression, c'est quelque chose qui va à l'encontre d'une norme ou d'un canon. Et le mot canon, pour le coup, il est adapté à cet article, au sens où je m'intéresse aux transgressions narratives. C'est-à-dire dans une forme de narration qui serait classique, canonique, on dit, qu'est-ce qui pourrait venir faire transgression, c'est-à-dire bousculer la norme, faire que un récit qui se déroule d'une manière assez traditionnelle, assez établie dans les codes, ça peut être dans la littérature, ça peut être dans le cinéma, et plus spécifiquement pour le jeu vidéo, bah comment quelque chose vient bouleverser cet état bien installé du récit. Très bien. Et du coup, dans le cadre de cette définition, la transgression narrative des médias, j'ai pas envie de dire classiques, mais des médias linéaires, comme le cinéma ou la littérature, est-ce qu'elle va prendre la même, elle va avoir une forme similaire à la transgression qu'on va pouvoir retrouver dans le jeu vidéo ? Challenge cette question. Alors oui, je me suis intéressé effectivement à la littérature qui me permet de tirer des figures de style très spécifiques et qui ont migré vers d'autres arts, d'autres supports, d'autres médias, dont le jeu vidéo. Je me suis intéressé aussi fortement au cinéma parce que j'avais une activité dans le cinéma documentaire. Et du coup, j'ai observé quelles pouvaient être des figures de style là, qui pouvaient avoir produit de la transgression en littérature, produit de la transgression au cinéma, et qu'on pouvait retrouver en partie dans le jeu vidéo. Le jeu vidéo et aussi dans mes travaux plus spécifiquement, donc le Serious Game. Et pour le coup, il y en a une qui m'avait frappé au début, et c'est celle-là qui m'a interrogé dans un premier temps, avant que j'élargisse, puis que je comprenne, on va dire, la profondeur du champ, la profondeur de ce que pouvaient être toutes ces transgressions narratives. Alors, il y en a une qui est très connue, qui parlera à tout le monde, c'est celle du regard à la caméra, au cinéma, ou en littérature, en gros, c'est un personnage qui s'adresse au lecteur. Dans les canons du récit, on va dire dans les récits classiques, l'idée c'est qu'il y a une histoire qui se déroule et qui est fermée sur elle-même, qui est racontée par un narrateur, et puis on a le lecteur, bah, c'est moi, c'est vous, qui sommes en train de découvrir l'histoire. Et traditionnellement, d'un point de vue classique, il y a séparation entre le monde dans lequel moi, lecteur, j'existe, et le monde dans lequel les personnages évoluent. Et le fait que ce personnage s'adresse au lecteur, il y a quelque chose qui est très dérangeant, qui est très transgressif, du moins dans les premiers temps quand ça existait, par rapport au roman classique. Et au cinéma, c'est pareil, c'est le personnage qui se retourne face à la caméra. Donc ça, c'était un tabou absolu dans le cinéma. Jamais, jamais un comédien ne doit regarder la caméra, parce que sinon, il trahit le fait qu'il est observé par cette même caméra, qu'il y a un réalisateur, enfin qu'il y a toute une équipe de cinéma qui est en train de le filmer. Et c'était quelque chose, au tout début, quand ça se produisait, qui était extrêmement dérangeant dans les salles de cinéma, parce que le spectateur est renvoyé dans sa chaise en tant que « Ah bah oui, je suis en train d'observer quelque chose qui se déroule. » Et alors cette forme-là, bah oui, on la retrouve dans d'autres arts. Alors, juste avant d'aller Au jeu de vidéo, je peux parler de la BD. Dans la BD, il y a aussi ce phénomène d'un personnage qui se retourne face au lecteur et essaye de le regarder droit dans les yeux, donc de l'interpeller, de lui parler. Et au jeu vidéo, on a ce même procédé qui a été réexploité également. Est-ce que tu as des exemples ? Je vais sortir ma petite liste. J'avoue, le fait que tu aies parlé BD et jeux vidéo, là, j'avais en tête Deadpool. Oui, bah oui, merci de relayer immédiatement. Deadpool, c'est vrai qu'il fait le pont, étant donné qu'il est à la fois dans la BD, enfin, il a été traduit de diverses manières. Il y a des films, il y a la BD, et il y a le jeu vidéo. Et à chaque fois, Deadpool, c'est le cas typique où cette transgression est une signe de fabrique pour la marque, pour le personnage. Effectivement, ouais, ça fait partie du personnage que de casser ce mur et de sortir du monde fantastique dans lequel il évolue. Il y a différentes strates qu'on commence à percevoir et que tu développes dans l'article et que justement là, on va peut-être pouvoir développer. C'est les niveaux narratifs. Donc on connaît le diégétique ou le extra-diégétique. Est-ce qu'il y a d'autres niveaux narratifs comme ça ? Et est-ce qu'ils peuvent être définis ? Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde sache que c'est diégétique et compagnie. Je vais tenter, et en même temps, c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux, il y en a même potentiellement beaucoup. On peut aller très en profondeur dans les histoires, parce que les histoires peuvent être imbriquées dans d'autres histoires, elles-mêmes imbriquées dans d'autres histoires, et ça potentiellement à l'infini. Mais on peut dire qu'il y a quatre grands niveaux hein, qu'on peut nommer. Donc, le premier dont je parlais tout à l'heure, celui du lecteur, du spectateur, du joueur, on va dire, c'est le monde commun. Et lui, on dit qu'il est extra-textuel. Alors, pour comprendre le extra-textuel, il faut décomposer. Il y a le texte. Le texte qui veut dire de façon très générique, bah, c'est soit une œuvre littéraire, mais le texte, ça représente aussi un film, et ça représente aussi une pièce de théâtre, ou le jeu vidéo en lui-même. Et l'extra-textuel, bah, c'est tout ce qui est en dehors, ce qui est censé être en dehors de cet objet en lui-même, donc en dehors du jeu vidéo. Donc voilà, ça c'est le monde commun, extra-textuel. Ensuite, juste en dessous, alors suivant les auteurs, ils parlent de descendre dans les niveaux ou de monter. Alors, ça, moi je prends le parti qu'on va descendre dans les profondeurs. Le niveau qu'on appelle en dessous, c'est extra-diégétique. Alors il y a toujours le terme extra, mais c'est plus textuel, c'est extra-diégétique. Et là, il s'agit d'être en dehors de la diégèse. Tiens, même moi, je bafouille. Donc, c'est-à-dire en dehors de l'histoire. Et là-dessus, sur cette couche, c'est généralement ce qu'on appelle l'espace de la médiation narrative, où se situent le narrateur et le narrateur. Le narrateur, c'est celui qui raconte l'histoire. Et le narrateur, c'est celui qui reçoit l'histoire. Donc, ce sont les instances narratives du récit. Parfois, il y a une confusion hein, qui est que le narrateur, c'est l'auteur. Mais dans la théorie, on va dire, du récit, il y a bien distinction entre ce qui est un auteur, ce qui est un narrateur d'un côté, et ce qui est le lecteur et le narrateur. On n'a pas à les confondre, du moins la théorie fait cette différence-là. Donc, voilà, j'ai dit extra-textuel, j'ai dit extra-diégétique, et là, on commence à rentrer dans la diégèse. Et le premier niveau de la diégèse, c'est le niveau diégétique qu'on appelle, ou intradiégétique parfois. En gros, c'est l'histoire. C'est ce que le narrateur est en train de raconter. Et puis, dans ce niveau-là, diégétique, bah, on peut avoir une histoire imbriquée. Imaginez qu'on a un personnage qui est en train de... Donc, il vit sa vie, et puis à un moment, il interpelle quelqu'un d'autre, et il lui raconte une histoire. Donc, il va déployer au sein de son propre monde une autre histoire petite qu'il va raconter. Et là, on descend du niveau diégétique au niveau métadiégétique. Donc on descend encore d'un cran. Et on peut imaginer que dans le métadiégétique, l'histoire que ce personnage raconte, j'espère que vous me suivez, bah, les personnages qui sont racontés, eux-mêmes racontent une autre histoire qui crée un autre monde encore plus bas. Et on peut descendre comme ça. Oui, c'est ça. Ça n'en finit jamais, en fait. C'est le coup du miroir qui se renvoie. Potentiellement, mais au risque de perdre tout le monde, et les lecteurs, et tout le monde. Et je pense à un exemple qui est assez parlant pour ceux qui auront vu le film, c'est Inception, où l'idée, c'est de rentrer dans le rêve du rêve d'une personne pour lui implanter un souvenir qui va germer et petit à petit qui va remonter du rêve le plus profond vers le rêve juste au-dessus, puis encore le rêve d'au-dessus, jusqu'à revenir à la réalité, produisant un effet. C'est ça l'inception. Donc, dans ce film-là, il y a vraiment la représentation en acte de personnes qui descendent dans des niveaux d'histoire et qui remontent après, par la suite, retrouver le monde réel. Merci beaucoup pour cet exercice de définition, parce que c'est pas évident. Je trouve que oui, en 5 minutes, super clair. Je vais essayer de tenir comme ça pour la suite. Ah, mais surtout que ma prochaine question, c'est encore de la définition. Du coup, voilà, ça c'est pour les strates, les niveaux textuels, du coup, d'un textuel en tout cas d'histoire. Les niveaux narratifs. Narratifs, mmh. Merci. Du coup, quand on parle de transgression narrative, c'est quand ça se télescope, les différents niveaux. Et toi, tu parles notamment du concept de métalepse. Donc, qui a un gros mot, je pense, pour, ouais, pour beaucoup. Ouais. Est-ce que tu peux le définir et essayer voilà, de l'articuler à côté de ces niveaux narratifs, justement ? Oui. Alors, ça peut, effectivement, de prime abord, être un gros mot. Une fois qu'on s'y intéresse, je dirais que ça devient un mot magnifique, porteur de beaucoup de sens et de représentation mentale de ce que peut être le récit, comment il peut fonctionner, et on en viendra tout à l'heure à ça, comment on peut le subvertir, comment on peut le transformer. Donc, pour pas que ça soit trop un gros mot longtemps, il se trouve que j'ai déjà donné un exemple de métalepse tout à l'heure en parlant du regard caméra. Le regard caméra, comme je le décrivais, il traverse les couches narratives, et c'est bien là qu'on parle de métalepse, parce que le personnage regarde au-delà de son monde, il regarde dans la caméra, et c'est-à-dire jusque dans les yeux du spectateur, du joueur. Et ça, c'est une métalepse. Peut-être, pour être tout à fait explicite et très respectueux, je peux même vous lire une définition, la définition la plus simple qui soit. J'ai peur qu'elle soit un peu barbare, mais je me lance, je vous la lis avec ce qu'on s'est dit juste avant, peut-être ça va marcher. Bon, en tout cas, on doit cette définition à Genette, qui malheureusement nous a quittés l'année dernière, qui était un grand théoricien du récit, de la littérature. Donc lui décrivait le principe de métalepse au début des années 70, dans le champ littéraire avant tout, et après il l'a étendu au cinéma. Et il parle de métalepse comme toute intrusion du narrateur ou du narrateur dans l'univers diégétique, donc de l'histoire, ou inversement. Et par ces intrusions, la métalepse, elle remet en question la frontière qui est mouvante mais sacrée entre deux mondes, hein, celui où l'on raconte et celui que l'on raconte. Et puis, un peu plus tard, la définition, elle s'est étendue à l'idée d'un passage d'un monde à un autre, de quelque manière que ça soit, dès lors que c'est masqué ou subverti. Ce qui veut dire qu'on peut intégrer aussi dans la métalepse non pas une plongée dans des niveaux narratifs, mais potentiellement le saut entre deux mondes, qui sont deux histoires racontées, qui sont censées être sur le même niveau narratif, et dont un personnage passerait de l'une à l'autre. Ça devrait être des mondes séparés, hein, des histoires séparées, et pourtant, il y a un personnage qui fait le grand saut. Je vais prendre un autre exemple, peut-être pour illustrer le concept de métalepse, dans cette effectivement ce chantage de certaines frontières. Pour le coup, alors c'est pas du tout une histoire, un livre, une BD ou un jeu. C'est une publicité, et pourtant Dieu sait que je ne suis pas fan de la publicité. C'est un bien grand mot. Et c'est une pub, je crois, pour une célèbre chaîne de fast-food qui demandait « Ok Google ou Siri, est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi le Big Whopper ?» pour essayer de pas trop révéler le nom, et du coup en fait les machines intelligentes que du coup décrivaient, donnaient lisaient la définition, en fait, c'était un spot pub télé et qui rentrait l'injonction à la machine aux écrans, enfin aux enceintes connectées, et du coup les machines automatiquement donnaient la réponse. Alors ça a été un hack qui a été utilisé aussi je crois dans un épisode de South Park, ce qui a du coup fait criser beaucoup de parents je crois. Donc c'est ça en fait, c'est comment un récit fictionnel ou là pour le coup promotionnel rentre dans la réalité et comment la réalité rentre dans le récit, c'est ça le métalepse ? Oui, on peut dire ça, mais j'ai pas vu cette pub donc je peux pas confirmer absolument, mais il semble. Et j'ai un autre exemple plus proche de nous, tout à l'heure dans le générique. Si je ne me trompe pas, vous avez un extrait de Jumanji, avec une petite fille qui dit « On dirait un jeu bizarre, un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers. » Puis elle rajoute, ouais, ça a l'air super cool. Bon, après, je crois qu'elle regrette un peu et c'est pas sûr qu'elle trouve ça super cool. Mais oui, bah, c'est pas super cool parce qu'en gros, ils vont être aspirés dans le jeu. Ils commencent à lancer la partie et ils se retrouvent dans la jungle dans un premier temps. Donc là, Jumanji, c'est 95, hein, celui dont je parle, parce que je crois qu'il y a d'autres versions derrière. Donc, il y a l'idée que des personnages puissent descendre dans un niveau narratif ou dans un jeu qu'ils étaient seulement censés manipuler, bah, ils vont plonger dedans. Et puis, il y a l'effet inverse, qui est que ce qui est censé être le jeu et fermé sur lui-même va complètement déborder et se répandre dans ce qui est censé être la réalité. Et donc, pas tout à fait partagé avec ce qui est une histoire racontée, ou ce qui est un jeu censé être fermé sur lui-même. Donc en fait, ça fait aussi référence au quatrième mur. Je ne sais pas si on a déjà cité cette expression, je ne sais plus. Quatrième mur, ça vient du théâtre, où il y a les trois murs de la scène, et au final, il y a aussi ce quatrième mur qui est la limite entre la scène et le public. Tout au long du 19e, cette limite, cette frontière-là, elle a été très très dure au théâtre. Hein. Il n'était pas question d'interpeller le public. C'est au 20e... j'ai plus l'exemple en tête, mais bon, je l'avais tout à l'heure, peu importe. Où vraiment ça s'est beaucoup plus développé, où voilà, les comédiens se sont mis à soit regarder frontalement les spectateurs, soit même à les invectiver. Et il y a ce côté, voilà, c'est casser le quatrième mur, et donc c'est aussi rompre la suspension d'incrédulité. Oui, non, absolument, je vais tout à fait dans ton sens. C'est Brecht, hein, l'un des premiers auteurs. Pardon. c'est lui ça. Qui a considéré que le théâtre il devait être ouvert sur les problématiques du monde et il devait, il avait une mission d'interpellation du public pour amener le public vers un jugement critique, vers une prise de conscience. Donc en ça, il considérait que la scène de théâtre et là où se passait le jeu des acteurs devait s'ouvrir, devait se reverser dans le théâtre au sens de la pièce, du public qui était là pour participer. Et donc l'expression, effectivement, était d'abattre, de faire tomber le quatrième mur, qui était celui invisible, érigé par convention, hein, comme un canon, je disais tout à l'heure, pour dire, il y a le public d'un côté, il y a les acteurs de l'autre, et on fait comme si on ne se voyait pas. Bon, ben Brecht, il a dit, on fait tomber ça, et on va dire à des moments qu'on est là, qu'on est tous là, et on va en prendre conscience, et ça va agir sur les consciences également. Et ce quatrième mur, donc là, on voit bien l'image au théâtre, hein, parce que clairement, il y a le mur d'arrière-scène, il y a les murs côté jardin, côté cour. Cette expression, ce qui est étonnant, c'est qu'elle s'est poursuivie dans les autres médias derrière. C'est-à-dire qu'on a continué à l'entendre au cinéma, alors que là, pour le coup, potentiellement, on a des acteurs dans une pièce, mais le quatrième mur, quelque part, c'est la caméra qui l'occupe. Et puis on l'a entendu aussi se poursuivre dans la BD, Deadpool, il y a des auteurs qui parlent de quatrième mur, et on l'entend encore également pour le jeu vidéo. Et là ça devient de plus en plus surprenant, parce que si on y va par là, c'est tellement virtuel au sens de la matérialité, d'absence de matérialité, le jeu vidéo, que parler encore d'un mur qui s'érigerait pose vraiment question. Par rapport à ce quatrième mur dans le jeu vidéo, donc si le terme il est employé pour décrire quoi en fait, parce qu'on n'a pas vraiment là de mur scène publique ou de caméra, on a un point de vue, mais ça décrirait quoi comme action dans le jeu vidéo, un quatrième mur? Alors dans l'article que tu citais tout à l'heure, paru cet été là dans la revue Science du jeu. Ben, je me suis intéressé à ça, puisque d'un côté, il y a les Metalabs qui m'intéressaient énormément, et de l'autre côté, finalement, je voyais qu'au sein de la communauté jeux vidéo, personne n'utilise ce mot Metalabs, donc peut-être encore trop barbare, peut-être trop réservé à la littérature, au cinéma, mais du coup, ça m'interpelle. Et par contre, il y avait une expression qui était là omniprésente, c'était cette histoire de quatrième mur. Donc j'ai essayé de confronter la notion de quatrième mur à celle de Metalabs. Et là, quand on fait ça, on se rend compte que enlever le quatrième mur, ce qu'on garde dans ma mémoire collective du quatrième mur pour le jeu vidéo, revient à une forme très spécifique de Metalabs, qui est donc celle que je redis, hein, qui est d'un personnage qui s'adresserait à son public, donc en l'occurrence, le public c'est le joueur directement. donc un personnage du jeu qui se retourne et qui invective à la façon Deadpool, ou qui prend un parti, ou qui demande de l'aide au joueur. Donc ça peut être un joueur, ça peut être un personnage non-joueur également, qui se retourne, c'est simplement qui se retourne vers le joueur. Pour illustrer un cas en tout cas de Metalepse, en tout cas le Metalepse que tu sembles décrire dans le jeu vidéo, un des auteurs et des créateurs les plus connus qui utilisent ce procédé, c'est sans doute Hideo Kojima, le créateur de la série Metal Gear, qui, dès Metal Gear Solid, faisait des renvois. Oui, tu trouveras le code au dos de la boîte du CD. Donc, il faisait référence donc à la boîte de jeu, où effectivement, là, il y avait un code qu'il fallait trouver. Il avait aussi ce boss qui a beaucoup plu à l'époque. Oui. C'était Psychomantis qui lisait la carte mémoire de la console et qui disait « Ah, je vois que tu aimes jouer à tel jeu ». Il y a d'autres exemples comme ça qui ont marqué, selon toi, l'histoire du jeu ? Alors, celui que tu as cité avec Psychomantis, clairement, c'est, on peut l'apparenter au quatrième mur, c'est-à-dire que l'interpellation vient d'un personnage et elle monte vers le joueur. Donc ça va tout à fait dans la définition quatrième mur, et donc c'est une métalepse en particulier d'interpellation qu'on appelle rhétorique. Rhétorique au sens où elle se fait par le verbe, elle se fait par le dire. Il n'y a pas une action physique qui fait qu'un personnage est en train de traverser l'écran, en gros, pour rejoindre le joueur. Donc on parle de métalepse rhétorique. À ceci près, avec l'exemple qui est intéressant que tu soulignes, là, que le fait que physiquement la manette soit interrogée, enfin la carte mémoire soit interrogée, ou voir physiquement que la manette tremble sous l'impulsion de Psychomantis, là il se crée quelque chose qui va au-delà du simple verbe. Et on parle d'une métalepse qui deviendrait ontologique, parce qu'il y a vraiment traversé l'écran, si on peut le dire. Des autres exemples, alors Deadpool, on va peut-être pas y revenir, mais il y avait différentes formes dans Deadpool, finalement j'y reviens, mais très rapidement. La première qui est elle aussi dans le verbe, parce qu'il se retourne, il va parler à notre joueur. Il y a aussi une autre métalepse, donc là on quitte cette fois-ci le quatrième mur, on est sur un autre type de métalepse, qui est que Deadpool va quitter son environnement familier, là où il interagit avec les autres personnages, et il va monter d'un cran dans les niveaux narratifs parce qu'il va se retrouver au niveau de l'interface. Et potentiellement, ça lui arrive de prendre des éléments de l'interface, des jauges, des choses qui sont censées être collées sur l'écran, si je peux dire ça comme ça, pour les manipuler, pour les casser, pour les détruire. Et là, on voit quelque part que physiquement, c'est aussi une métalepse ontologique, c'est-à-dire qu'il est passé d'un niveau narratif qui est le purement son histoire, au niveau de dessus qui est l'interface. Ensuite, il y en a quelques autres. On peut citer Monkey Island, donc c'est pas tout jeune tout ça, hein, 91 pour Monkey Island 2, où on avait la possibilité d'appeler dans le jeu le développeur du jeu. Donc là, on peut se dire aussi, bah tiens, c'est étonnant, on n'est pas censé pouvoir appeler en dehors du jeu, donc il y a un franchissement d'un canon narratif. Et puis, bon, la réalité, ce n'est pas qu'on va téléphoner véritablement au développeur du jeu qui est à l'extérieur du jeu, mais une représentation de ce développeur lui-même intégré dans le jeu. Alors du coup, là, je ferai un parallèle là avec le jeu de plateau. Je me demande si on peut appeler ça une métalepse. Lors d'un épisode précédent, en fait, on avait pu évoquer un exemple qui est pour le Monopoly, quand il a été lancé. Aux périodes de Noël, les éditeurs du jeu avaient fait une hotline téléphonique qui permettait aux gens de venir questionner les règles parce que les gens se foutaient sur la tronche à cause du Monopoly et que ça faisait des problèmes de famille. Donc ils ont fait ça en Angleterre, en Grande-Bretagne. Et je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté où là aussi il y a une forme de métalepse où les gens sortent de la partie et vont dans la réalité téléphoner pour réinterroger sur les règles et sur comment le jeu se fait ? Ouais, c'est intéressant. Je réfléchis un peu pour te donner une réponse. Le fait est que quand on joue, il y a plein de théoriciens qui nous disent de fait, on est dans un cercle magique et on est préservé du monde extérieur. Donc, en quelque sorte, on est en train de constituer un niveau narratif en soi, si je reste sur ces théories aussi narratives. Hein. Bon, et là, ce que tu dis, c'est qu'on est en train de rompre ce cercle magique pour sortir du jeu, donc pour sortir du niveau narratif qui est celui du jeu avec sa famille, pour aller sur un autre niveau qui est celui de l'outline. Si on s'en tient aux définitions que je donnais tout à l'heure sur la théorie du récit, quelque part, tout ce qu'on est en train de dire là se situe sur le même niveau extra-textuel, c'est-à-dire en dehors du simple carton, de la boîte, des cartes, etc. Donc on serait toujours sur le même niveau, il n'y aurait pas de transgression d'un niveau à l'autre. Néanmoins, clairement, il y a cette histoire de cercle magique, le cercle du jeu, qui, lui, peut être transgressé. Donc, peut-être il faut étendre une fois de plus la définition de la métalepse. Oui, c'est intéressant parce que cet exemple-là du Monopoly que je connaissais pas pour le coup, ça me fait penser alors dans une autre forme d'expression qui est la bande dessinée. C'est le cas de Scott McCloud qui avec L'art invisible, Faire de la bande dessinée, j'ai oublié le troisième, une sorte de trilogie qui est passionnant, ouais. qui est passionnant effectivement, où en fait c'est une BD qui raconte comment faire de la BD. Et en fait, est-ce que justement là dans le cas du Monopoly, on reste pas quelque part dans les règles du jeu puisque après tout, ce sont des choses qui sont décidées par les créateurs. D'appeler l'outline. Ouais. C'était peut-être un patch, ça. Peut-être ça. Alors, terrain un peu sensible, et c'est ma part chercheur qui met les freins, parce que le chercheur que je suis n'aime pas trop s'aventurer sur les choses où il n'a pas assez travaillé pour donner un avis. Alors, moi aussi, je fais un rebond. Désolé, je ne réponds pas directement à votre question. Il n'y a pas de souci. Ça me fait penser à un autre format de jeu que, pour le coup, je suis amené à concevoir, qui est le jeu en réalité alternée. Et qui consiste en fait à rendre une frontière très poreuse entre ce que serait la fiction et le jeu, et d'autre part, le quotidien et mes actions au jour le jour. C'est le genre de dispositif que j'ai pu travailler pour des entreprises, où la problématique, c'est de se dire, se former sur des temps isolés de mon activité de travail, pourquoi pas, mais si en plus, je pouvais, pendant que je travaille quelque part, faire appel à un outil, une application mobile, un jeu qui me permette d'apprendre en travaillant. Alors évidemment, vous pensez bien que les ressources humaines sont intéressées par ça. Et là, tout l'enjeu, il est que de créer des métalepses qui sont permanentes. Entre ce que l'application qui se veut ludique, au creux de la main, dans son téléphone, permet de déployer avec son récit, avec sa structure de récit et sa structure ludique. Et d'autre part, le fait que je suis en train de travailler, que j'ai besoin d'informations que je prends dans cette application, qui me servent dans mon activité productive, et mon activité productive que je vais reverser d'une manière ou d'une autre, parce que principe de gamification, parce que principe d'une communauté qui travaille avec moi via cette application, je reverse dans le dispositif. Donc, là, dès lors, la frontière entre ce qui est la fiction, ce qui est la réalité, elle est volontairement gommée, rendue très floue, par l'intermédiaire de métalepses incessantes. Et du coup, tu dirais que alors, tu vas me corriger si je dis des bêtises, mais je résumerais ça par la gamification du travail, c'est une métalepse constante, en fait. Mmh. Oui, ça pourrait être ça, oui. C'est d'ailleurs, si le sujet en tout cas du jeu en réalité alternée vous intéresse, je vous recommande en tout cas pour nos auditeurs d'écouter l'épisode que c'était, je crois, Manuel et Céline qui avaient fait ça avec Eric Viennot qui avait travaillé. C'était toi, Fanny. C'était moi. Pardon, voilà, je n'étais pas sûr. J'avais loupé cet épisode, je vais me précipiter là quand on aura raccroché. Voilà, donc je l'ai pas fait. Mais... C'était en 2017. Je dirais, ça commence à dater. Mais c'est vrai que le cas du jeu en réalité alternée est intéressant, puisque là, ce sont différentes couches, peut-être narratives, qui se superposent. Je reviens à mon idée de... de quand même, même dans un jeu en réalité alternée, tout est comment dire, cadré par les créateurs et créatrices du jeu. Ce qui me fait me poser la question, mais comment sortir, comment transgresser, nous, joueurs ou joueuses, dans le cadre d'un jeu ? Tout à l'heure, quand on a commencé, j'ai essayé de dire que transgression, il y avait beaucoup de types de transgression. Il y a, comme ça, je peux en citer une autre qui me vient, qui est la transgression thématique, transgression de sujet, hein, c'est-à-dire qu'il y a des choses taboues et c'est compliqué, ne serait-ce que d'en parler. Et moi, j'ai essayé de recadrer en disant, bon, je suis vraiment sur les transgressions narratives. Donc là, ta question, Adrien, je ne sais pas comment la prendre. Je ne suis pas sûr d'arriver à la faire rentrer dans mon cadre conceptuel. Y a pas de souci. Est-ce que je peux vous offrir aujourd'hui ? Y a pas de souci. C'était effectivement... Je pense que le cas que je situe est plus du côté de la triche, ce qui est peut-être autre chose par rapport à la narration. Ouais. Surtout qu'on a déjà fait un épisode sur la triche et on ne va pas le refaire. Mais par contre ta question peut amener un petit développement parce que... le titre là, qui est peut-être imbuvable à redire à l'oral, on va éviter. Pour le simplifier, pour le résumer, il va dire que les métalepses dans le jeu vidéo, il y en a tout le temps, de façon incessante. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher un jeu en réalité alternée et de la gamification pour en avoir. C'est fondamentalement le fait d'avoir une interaction, c'est-à-dire de conduire une action et d'avoir des rétroactions en regard de nos actions. Sont des formes de métalepses, qui sont, on va dire, des métalepses tout à fait fonctionnelles, voilà, je cherchais le terme, pardon, purement fonctionnelles, c'est-à-dire qu'elles activent les personnages, elles font déplacer la caméra, enfin, elles me permettent d'interagir, de jouer. Et en ça, quelque part, alors que la métalepse, depuis la nuit des temps, dans les différents médias dont on a parlé tout à l'heure, elle était une forme de transgression, elle amenait quelque chose de différent. Là, c'est tout à fait l'inverse, c'est-à-dire que le jeu vidéo est basé sur les métalepses. Donc, en soi, elle n'a plus rien de transgressif, puisque sans elle, le jeu ne marche pas, le jeu vidéo ne marche pas. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui devient transgressif, c'est si on enlève la métalepse, c'est-à-dire si on enlève du contrôle au joueur, ou si on enlève de la rétroaction en direction du joueur, là, il va ne pas comprendre, il va se dire, il y a un problème dans les canons du jeu vidéo que je suis en train d'utiliser, puisque le jeu ne me permet pas d'agir comme je voudrais, de plonger auprès de mon avatar, par exemple, ou ne me donne pas un retour, que ça soit auditif, visuel, que je devrais recevoir dans les canons du jeu vidéo. Donc, on en vient à dire que ce qui est transgressif dans le jeu vidéo, c'est de plus avoir la transgression qu'on connaissait de la métalepse auparavant. Le développement de ça... Moi, ça m'a posé la question de en quoi cette métalepse qui est devenue purement fonctionnelle, elle peut continuer à exister, elle peut survivre à ça, et voire même elle peut donner lieu à de nouvelles formes qui réinjectent, qui reproduisent, pour le coup, dans le jeu vidéo, cette fameuse transgression, la reviviscence que tu disais, Adrien, tout à l'heure. Si, oui, effectivement, ça me fait penser à un cas qui est cité dans l'article, qui est celui de Stanley Parable et l'autre jeu qu'avait fait un de ses créateurs juste après, qui était The Beginner's Guide. Mm-hmm. Alors, je vais résumer Stanley Parable parce que c'est le plus simple à résumer des deux. On incarne a priori Stanley, un travailleur dans un bureau, et du jour au lendemain, il n'a plus d'instructions à faire, et donc du coup, on doit sortir de son bureau pour découvrir un peu qu'est-ce qui se passe. Et on a un narrateur comme ça qui nous explique ce qu'on doit faire jusqu'au moment où on se retrouve face à deux portes ouvertes, et le narrateur nous dit « et Stanley va à gauche ». Et à partir de là, on a le choix d'aller à droite. Et ça, à partir de là, c'est un jeu qui questionne beaucoup les choix du joueur. Et je suis très curieux d'avoir ton regard, toi qui a travaillé la notion de transgression narrative. Quel regard tu portes sur ce jeu-là et peut-être Beginner's Guide qui est un peu plus particulier après Oui, alors je propose de rester sur le premier qui est vraiment... extrêmement intéressant à tout point de vue, et notamment en termes de réflexivité. Donc la réflexivité, hein, c'est la capacité d'un média, d'une œuvre, à se penser elle-même, à se refléter, à s'autocritiquer, Et là, clairement, dans ce dispositif, on a cette réflexivité très forte. Peut-être je vous propose, je ne sais pas si vous procédez comme ça par ailleurs, mais je vous propose de lire un tout petit extrait de l'article en question, peut-être qui permet de réaligner ce qu'on se dit sur ce jeu. Ouais, vas-y. Alors concrètement, je reprends un peu la description que tu as donnée. Hein. Concrètement, le joueur a vocation à déplacer un personnage à la première personne dans des bureaux désertés, alors que le narrateur, lui, il est là essentiellement cantonné à raconter cette pérégrination via un commentaire qui s'apparente là aussi à une métalepse. Et pour le dire autrement, il y a deux types de métalepse dans ce jeu qui sont à l'œuvre. D'un côté, l'interaction, et d'un autre côté, le récit. Par le récit précisément, le joueur comprendra que la liberté apparente de ses interactions est intégralement cadrée par l'environnement et les conditions organisées en amont par le concepteur. Et en résumé, l'histoire spatialisée préalablement écrite conduit l'interaction du joueur et parallèlement, cette interaction déclenche le récit. Je trouve ce que je viens de lire assez imbuvable et je pense qu'on pourra s'en passer. Non, mais pour expliciter ce que tu dis, c'est que effectivement, c'est quand bien même le joueur tente de transgresser ce que dit le narrateur, on se rend compte très vite que ça a déjà été pensé. D'ailleurs, le narrateur blague avec nous. Il nous dit « Ah, tu croyais que je n'avais pas pensé que tu irais à droite au lieu d'aller à gauche ?» Mais en fait, j'ai tout prévu. D'ailleurs, maintenant, je vais te mettre un niveau de Minecraft, puisque a priori, tu aimes Minecraft. C'est effectivement ça, peut-être, la grosse problématique que pose Stanley Parable. C'est le jeu qui dit « Tu es libre », mais en fait, non, tu n'es pas si libre que ça. Oui. Oui, absolument. Bah, merci pour le résumé. Comme quoi, ce qui est à l'écrit doit rester à l'écrit et un podcast doit se faire à l'oral. Ouais, c'est absolument ça. Donc, de se croire, c'est vraiment la critique de la linéarité du jeu où, quelque part, toute l'interaction, quelque part, elle est quand même écrite et elle produit quelque chose de linéaire également. Donc, autocritique et du coup, quelque chose... de puissant sur la manière de se penser en train de jouer. Ce qui fait qu'on a la réunion, d'une part, de quelque chose qui est de l'ordre d'une métalepse fonctionnelle. Je suis en train de manipuler le dispositif pour produire quelque chose dans le jeu. Et en même temps, une métalepse qui va bien au-delà de la pure fonctionnalité d'activer quelque chose, puisqu'elle crée le récit dans le même temps, et ce récit critique l'interaction que j'ai avec le jeu. Donc là, quelque part, on retrouve une forme de transgression, puisque on n'est pas seulement sur le niveau purement fonctionnel, et on critique ce niveau fonctionnel. Ce qui n'est pas commun, ce qui est vraiment de l'ordre de l'exception, il n'y a que très peu de jeux qui s'autorisent à déployer ce genre de fonctionnement. En fait, quand on a l'habitude de dire « Ah, mais c'est méta !» Je me demande si c'est pas lié à ça quand c'est un commentaire qu'on utilise souvent de manière parler d'un jeu, ah il est méta parce qu'il critique le jeu ou il y a une mise en abîme, mais en fait ça évoque la métalepse. Non, peut-être pas la métalepse elle-même, mais peut-être, voilà, c'est ça, peut-être pas toujours. Ça doit participer, il doit y avoir des circulations entre la critique et le jeu qui peuvent produire de la métalepse, mais le terme méta en lui-même peut être utilisé tout simplement pour dire que c'est quelque chose de traversant ou c'est quelque chose qui est au-dessus. Donc une critique au-dessus du jeu lui-même, par exemple. Et que penser de... Là, il y a peut-être l'année dernière, donc en 2018, il y avait le jeu Doki Doki Literature Club. Je ne sais pas si tu as suivi ce jeu. Oui, il est trop bien. qui sous ses très, très mignons, très... comment dire... C'est un dating game au premier abord... Très classique, on est dans un lycée, faut choisir son club extra, les activités extrascolaires, on finit par aller dans le club de littérature plutôt que faire des muffins, donc c'est très classique au début. Et en fait, peu à peu, un événement arrive qui nous pousse à réenclencher, à relancer une partie, une nouvelle sauvegarde, et là le jeu est modifié. Et au fil de ces parties, justement, donc on va faire et refaire le jeu plusieurs fois. On va devoir même carrément modifier certains fichiers du jeu, et qui sont pensés quelque part dans l'histoire. Qu'est-ce que c'est ? Je n'ai pas connaissance de choses comme ça dans le cinéma ou de la bande dessinée où on va carrément altérer le média. Que penser de ce genre de choses et que pense le chercheur de ce genre de procédé ? Le chercheur va te dire qu'il ne connaît pas Doki Doki. Alors, est-ce que tu connais Undertale ? Non. Non, c'est un jeu indé du coup. Mais qui a le même principe. Disons qu'il prend en compte les recharges du jeu. Ouais. Si tu fais Undertale, je ne l'ai pas fini, mais il y a un moment où tu es bloqué par le jeu parce que tu as perdu. Et donc, tu recharges ta dernière sauvegarde parce que tu as plusieurs sauvegardes. Sauf que quand tu recharges cette sauvegarde, le jeu et les personnages que tu rencontres n'ont pas oublié ce que tu as fait dans cette recharge qui est censée avoir écrasé, ouais, en fait, l'action du jeu. Parce que tu as repris ta sauvegarde avant, chronologiquement. Oui, oui. Mais les personnages que tu as face à toi n'ont pas oublié. Oui, excellent. Ouais, ouais. Donc là, le procédé me semble assez similaire à effectivement quelque chose que... Bon, après, c'est un tropisme. Quand on travaille sur un sujet, on a envie de le coller partout. Mais si je tente de faire le rapprochement, je peux considérer que chacune des sauvegardes, c'est une histoire en soi. C'est une histoire qui est préservée, qui est dans un état, et qui peut être après actualisée, développée, etc. Donc, chaque sauvegarde est un récit en soi, une histoire, un monde en soi, qu'on peut redéployer, qu'on peut réouvrir. Et là, ce que tu décris ressemble à des métalops, qui serait qu'on a des ponts qui se créent entre plusieurs sauvegardes, qui devraient être comme des mondes fermés sur eux-mêmes, sans correspondance et sans connaissance qu'il y a d'autres sauvegardes à côté d'elles. Hein. Quand on est dans un monde fermé, on n'est pas censé savoir qu'il y a un autre monde à côté de nous qui évolue. Et ta description me fait penser à ça. Donc le fait qu'il y a des éléments qui traversent cette frontière, comme on dit toujours sacrée, entre deux mondes. Ouais, ça correspond bien, hein, parce que dans Undertale, on se retrouve, c'est un personnage qu'on a dû tuer et qui te dit vraiment, donc il dit au personnage, mais il te dit toi en tant que joueur, mais pourquoi tu m'as tué ? Pourquoi ? Mm-hmm. C'est un moment que j'ai trouvé absolument dramatique, parce que je m'y attendais pas. Et c'est peut-être, du coup, je vais raccrocher avec quelque chose que tu disais au début, en fait. C'est qu'au tout début, les transgressions narratives et les métalepses pour la littérature, le théâtre ou le cinéma, ça a réinterrogé un code du genre. Et du coup, il y avait vraiment une forme très surprenante. Et c'était choquant. Ça pouvait rompre la suspension d'incrédulité. Et là, en fait, ça se rapproche. C'est que dans ce type de jeu, en fait, c'est très innovant d'interpeller autant le joueur dans ses pratiques de jeu. Oui. Et en fait, c'est peut-être surprenant parce que c'est nouveau, tout simplement. Oui, absolument. Et on peut parier que, comme au cinéma et comme ailleurs, plus on aura, plus la fréquence de ces événements va augmenter, moins on pourra sentir une transgression. C'est un peu ce qui se passe dans les jeux qu'on a cités juste avant de Beginner Guide et Stanley Parable. Parce que quelque part, tellement ils reproduisent cet effet qui est extrêmement intéressant, extrêmement réflexif, mais quelque part, on commence après à baigner dans cette ambiance de réflexivité. Je peux vous donner un autre exemple qui n'est pas du jeu vidéo, qui est du serious game. Donc là, autant dire qu'il faut que je vous le décrive, sans quoi vous ne le connaîtrez pas, c'est sûr. Qui est un jeu qui a été développé pour former des aides-soignants, des infirmiers, des infirmières, dans des EHPAD auprès de personnes âgées. Tout l'enjeu, c'était d'avoir les bonnes pratiques en termes de communication. Et le jeu est basé sur la relation interpersonnelle, où on est censé, je dis bien censé, piloter un personnage, un avatar donc, auprès d'une personne âgée pour résoudre un conflit, pour l'aider à faire sa toilette, etc. Et d'un point de vue expérimental, on a essayé deux choses. Donc une version canonique, extrêmement classique, de « je fais des choix, le personnage s'exécute pour faire les choix que j'ai fait sur l'interface auprès de la personne âgée ». Et une autre version donc pour pouvoir comparer les effets, où cette fois-ci, le personnage en fait acquiert une certaine conscience du fait qu'il y a un joueur qui lui demande de faire certains choix, d'agir dans certaines directions ou d'autres, et qui rentre parfois en conflit avec sa propre vision de ce qu'est le travail d'aide-soignant, d'infirmière. Donc des fois, tout va bien se passer, quelque part, le personnage est d'accord avec nous, il va conduire l'action, mais parfois, et typiquement quand c'était un problème, une mauvaise pratique, considérée comme une mauvaise pratique par l'équipe soignante experte qui a travaillé autour, alors le personnage, on le faisait se retourner et interpeller le joueur en lui disant « Là, j'entends ce que tu me demandes, mais c'est pas possible. Dans mon cadre éthique, dans ma manière de concevoir le soin, la relation à cette personne, ce que tu me demandes de faire va à l'encontre de tout ça, je refuse. » Jusqu'à certains points où la pratique est vraiment problématique, où le personnage dit et dénonce complètement le côté du jeu virtuel en disant « En gros, je m'arrête, tu vas reprendre ta sauvegarde, pour reprendre ton expression, tu vas reprendre ta sauvegarde précédente, mais là, cette partie s'arrête. C'est moi, personnage, qui décide que la partie s'arrête. » Et donc, expérimentalement, si je vais jusqu'au bout de la chose, c'était de regarder... Moi, j'avais plusieurs sujets là-dessus. J'avais le premier, c'était à quel point créer ces effets-là permettait de fabriquer de la distance, rompre l'immersion, c'est-à-dire le petit ronronnement du joueur dans son jeu, et puis ça déroule, créer de la distanciation, créer de la prise de recul, donc de la réflexion, et on espère bien de l'apprentissage. Il se trouve qu'on a pu remarquer que les personnes qui jouaient cette version avec Metalepse faisaient beaucoup moins d'erreurs à la répétition que les personnes qui continuaient derrière à jouer une version classique. Donc déjà, point saillant extrêmement intéressant, de se dire qu'on apprend mieux parce qu'on est interpellé par un personnage, et donc, si je résume, par une transgression par rapport au code du jeu. Et puis, il y avait un autre enjeu pour moi, qui était la relation au réel, parce que toutes ces personnes-là, elles se forment, mais elles se forment pour quelque chose qui est de l'ordre de leur quotidien, elles ont besoin de développer leurs compétences, de s'améliorer sur certains sujets, donc je disais notamment la communication interpersonnelle. Donc, en gros, il ne faut pas qu'elles se sentent coupées de leur quotidien et de leur réalité parce qu'elles arrivent dans un jeu. Et tout l'enjeu, c'était de leur faire sentir qu'elles perçoivent que ce jeu est ancré dans le réel. Il est ancré dans une démarche qui n'est pas fictionnelle pure, mais aussi ouverte sur un espace plutôt documentaire. Et là-dessus aussi, la grande joie du chercheur, c'était de découvrir que non seulement donc, il y avait un effet sur l'apprentissage, parce que je faisais moins d'erreurs à l'issue, mais en plus, la perception du réel était largement accrue et je me sentais davantage proche de mon quotidien et d'un espace documentaire plutôt que de quelque chose de l'ordre de, purement du jeu ou purement de la fiction. Ben merci pour cet exemple qui est très, très pratique et très concret. Je pense qu'on visualise tous en fait ce que ça peut provoquer. Un personnage qui a priori est d'un monde fictionnel qui nous dit « Attends, là tu vas trop loin » ou « Ça c'est illégal » ou etc. Ce qui m'amène du coup, on a parlé un petit peu de la réaction des joueurs, mais quelque part, moi on en parlait hors micro avec Fanny il n'y a pas longtemps, des attitudes des joueurs. Et je disais par exemple que moi, quand je joue un jeu, bah, je fais n'importe quoi. Je fais des choses que je ne ferais absolument pas dans la vraie vie. Ah non, mais vraiment, vraiment, jeu de rôle ou jeu vidéo, Adrien, ça devient un troll en fait. Je pense que je suis un être horrible en jeu. Ça va, je le vis bien parce que. Les autres moins. Mais du coup, ça me pose la question de la réaction de ces gens qui font n'importe quoi en jeu et face à un tel dispositif en fait. Oui, c'est normal. Il faut que je te dise ça déjà. Il se trouve qu'on a fait aussi sur pas ce jeu et pas d'un autre jeu. Qui était un jeu de management, on a fait une étude pour regarder justement comment les personnes jouent à ce genre de serious game. Et il se trouve qu'il y a de façon assez systématique deux démarches qui se font l'une après l'autre. La première, je fais n'importe quoi parce que je veux voir comment le dispositif réagit. Je veux voir à quel point ce qui a été conçu est capable de répondre à n'importe lesquelles de mes folies. Et en gros, voir si c'est robuste, mais aussi essayer quelque chose qui va au-delà de mon cadre habituel dans mon travail et ce que je m'autorise dans la réalité. Donc en gros, c'est tester le système et tester aussi quelque chose que j'ai jamais potentiellement essayé en réalité. Donc ça, c'est la première manière de jouer qu'on constate de façon quasiment incontournable. C'est j'essaye dans tous les sens. Alors juste pour l'anecdote, Adrien en train de hocher la tête, genre oui, oui, c'est trop ça. Bah oui, on essaye de craquer le jeu aussi, de voir comment il fonctionne, quels sont les algos derrière, pourquoi il réagit de telle manière. Et la deuxième manière qu'on observe aussi, alors c'est le contre-pied et c'est le côté très sage, qui est cette fois-ci, je vais regarder comment réagit le système si je fais exactement comment je pratique au quotidien, selon ma façon de penser, mon éthique, ma manière d'être. Et là aussi, de voir comment le système, ben, quelque part, est cohérent avec mon système de représentation, mes valeurs et ce que j'ai comme représentation de mon environnement de travail habituel. Et là, on arrive sur ma manière de jouer, qui est tout le temps de jouer. Non, je suis très roleplay. Ouais, si tu veux, ça a quand même des vertus, on peut dire, si je poursuis l'exemple avec ce serious game de management. L'idée d'un serious game, c'est de s'entraîner, donc de faire face à des situations, idéalement, qu'on ne connaît pas. Si on connaît déjà, quelque part, on peut avoir un feedback sur notre manière de faire, qui n'est pas forcément la meilleure, et peut-être pour progresser. Mais aussi, c'est l'intérêt de se confronter à quelque chose qui vient, pour utiliser un peu notre terme transversal, qui vient transgresser nos habitudes, transgresser un peu nos réactions. Donc ça peut être intéressant pour un joueur de pousser son interlocuteur dans le rouge, dans la colère, et voir comment derrière je peux faire face à cette colère et je peux essayer d'en tirer un enseignement dans le cas où ça m'arrivera dans la réalité. Et si je me recadre moi-même sur le thème de ce podcast, je voulais signaler quelque chose, parce que tout à l'heure on a parlé du quatrième mur, on a parlé de cet effet qui vise très souvent, et jusqu'à s'épuiser dans l'effet de transgression, qui consiste à viser directement le joueur, c'est-à-dire de le surprendre, de le remuer un peu dans ses préconceptions, dans sa manière de faire, dans les choix qu'il fait dans le jeu. Donc ça a marché, je vous l'ai dit, on a eu des résultats qui sont probants, et en même temps, on sait que si on multiplie trop souvent ces interpellations, elles risquent de s'épuiser. Donc dans la fin de l'article là, sur les metalabs, bah, j'ai essayé de creuser, de voir, d'envisager les propositions à venir pour le jeu vidéo qui pourraient faire qu'il y ait davantage de metalabs, qui ne soient pas celles fonctionnelles qui servent juste à activer le jeu, hein, mais qui servent à fabriquer de la transgression. Et là-dessus, la conclusion était plutôt de se dire bah, il faut revenir fondamentalement au récit, à la narration, et ne pas viser directement ce joueur, là, essayer d'avoir un truc spectaculaire qui lui pète aux yeux et puis qui va le marquer parce que ça sera très directement adressé à lui. Mais j'envisage que par le récit, on ait des effets rebonds. C'est-à-dire que la surprise, on ne la cherche pas dans un premier temps auprès du joueur, on la cherche auprès, potentiellement, de personnages qui sont non-joueurs, mais qui, à travers les actions du joueur, sont surprises par ce qu'il fait, sont dérangées. Et mon hypothèse, c'est que, quelque part, si le récit, les personnages dans le jeu, sentent, vivent des transgressions, de l'ordre de ces métalates, des transgressions, alors on peut imaginer que, parce qu'il y a un phénomène d'empathie, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la réception des émotions par le joueur, il puisse vivre de façon indirecte et revivre les transgressions que le jeu vidéo a fait disparaître en posant l'interactivité comme le cœur du jeu vidéo. Et en ça, si je boucle la boucle, c'est de dire que on refusionne d'une part le côté purement ludique du jeu, le côté interactionnel du jeu, et la part narratif. Souvent décrié en disant les jeux c'est que du ludique, les jeux c'est que du narratif. Bon bah non, heureusement les jeux ça peut être de tout et ça peut être le savant mélange des deux. On a vu un ou deux types de metalabs, mais tu avais l'air de dire qu'il y en avait d'autres. Est-ce que tu en as quelques-uns en tête qu'on n'aurait peut-être pas vu et peut-être qui ne se traduisent pas dans le cadre du jeu vidéo, mais qui se traduisent peut-être dans d'autres formes d'expression ? Est-ce que tu en auras en tête ? Je crois qu'on en a, en fait, on en a évoqué pas mal, mais sans toujours pointer exactement leur typologie. Alors, chose que j'ai essayé de dresser dans l'article en m'inspirant de plein de travaux qui étaient faits en littérature. Mais les métalleps, on les définit notamment par leur orientation, leur direction. Donc là, je parle d'orientation et direction, je parle des niveaux narratifs qu'on a énumérés au début. Donc de la manière de dire, est-ce que l'orientation, elle est verticale, c'est-à-dire que je vais traverser des niveaux, ou alors elle est horizontale, et auquel cas, ça veut dire qu'on fait un bond d'un monde vers un autre qui est sur le même niveau narratif. Et ça, c'était l'exemple de la sauvegarde, qui est sur le même plan narratif, on peut considérer, et l'orientation est horizontale. Après, il y a les métalleps qui sont de direction, enfin, on peut classifier les métalleps suivant leur direction, et là aussi, on a donné des exemples. Soit c'est un personnage qui se retourne vers un joueur, donc on est en train de remonter les niveaux, on va dire que c'est ascendant, c'est une direction ascendante. Soit c'est le joueur qui fait une manipulation, qui a une action dans le jeu, et là auquel cas la direction est descendante. On peut les classifier aussi par leur fréquence. Est-ce que le jeu fait appel, comme dans Stanley Parable, à une fréquence extrêmement élevée de commentaires d'un narrateur, auquel cas il y a des métalleps en permanence. Leur durée, est-ce qu'elles sont là de façon extrêmement ponctuelle, comme dans le jeu EHPAD, ou est-ce qu'elles s'étirent? Et puis, leur type. Et le type, alors là, pour résumer ça, là aussi, je l'ai évoqué, mais sans nommer, j'ai dit quand même, soit c'est in verbis, soit c'est incorporé, donc c'est soit seulement par le verbe, c'est-à-dire qu'un personnage, par exemple, va évoquer un autre monde, un autre personnage dans un autre monde, ça va pas ébranler les deux mondes chacun de leur côté, continuer à exister. Et puis, il y a la métalleps qui est d'un autre type, qui est incorporée, et là, c'est donc le passage physiquement d'un personnage ou d'un élément d'un monde vers un autre monde. Donc Alice, que tu citais tout à l'heure, Fanny, bah, c'est un exemple de incorporée. Je me déplace d'un monde dans un autre en personne. Et du coup, par rapport aux jeux vidéo, là, c'est le côté... Bon, on n'a pas encore vu de personnages sortir de la console, mais je me dis, le jeu où ça arrive, je veux que ce soit Spyro le Dragon, pitié. Bon. Mais en fait, je pense aux Amiibo des Switch, où... Attends, c'est la Switch ? Attends, j'ai un gros... Oui, si, ça doit être la Switch. Où on a... des petites figurines en fait externes oui. qu'on va je sais pas synchroniser avec sa console et qui va apporter quelque chose en plus dans le jeu en fait. Là il y a un côté où en fait il y a je sais pas si ça peut se rapprocher en fait ou si c'est dans le même niveau narratif, mais il y a quelque chose qui rentre du physique dans le virtuel. Oui clairement. Alors reste que la petite figurine elle va être préservée dans notre monde, hein. Elle ne va pas se fondre dans la tablette ou dans la console. Donc en ça, elle ne fait pas une métalleps ontologique, elle ne va pas physiquement incorporer, passer dans le jeu. Ouais, on n'est pas encore dans Code Yoko, quoi. C'est pas encore ça. Ça m'a fait penser à autre chose qui m'échappe tout de suite sur l'instant, mince. Oui, voilà. Ça me fait penser, pour le coup, à un autre concept, une autre figure de style, qui n'est plus la métalleps, mais qui est la mise en abîme. Parce que, si je reprends mon exemple avec l'infirmière qui travaille sur un serious... Enfin, qui se forme sur un serious game dans lequel elle voit un personnage qui est lui-même une infirmière, il y a une mise en abîme de soi-joueur vers l'avatar, qui est extrêmement prégnante, et qui a des effets qui peuvent participer derrière à déclencher des métalleps. Et là, les figurines, je pense que ça peut procéder aussi comme ça, hein, c'est-à-dire qu'on place en évidence dans le monde réel une figurine qui a une correspondance, une mise en abîme dans le dispositif numérique. Donc il peut créer une forme de passage, de reflet et peut-être de métalleps de cette manière-là. Ça m'évoque, on avait fait un épisode en fait avec Adrien sur les jeux dans les études de santé. Et c'était un prof médecin en fait qui nous avait évoqué toutes les formes de jeux qu'il pouvait y avoir dans les études de santé. Donc plus côté du coup études médicales que paramédicales, mais il évoquait notamment des simulations d'opérations en fait, où là il y a un aspect, il y a un corps physique qui doit être opéré, qui est pas un corps humain hein, mais où il y a un jeu entre le physique où on doit intervenir pour régler une situation, et aussi dans le virtuel, puisque ça répond à un programme, avec des profs qui pouvaient provoquer des incidents, comme dans notre corps à nous il y a des choses qui peuvent se passer, donc ils pouvaient provoquer une hémorragie ou ce genre de choses, où justement là il y avait vraiment l'aspect, il y avait physiquement quelque chose qui se produisait dans cet échange en fait, au niveau du jeu. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un mannequin, c'est ça, et à la fois, ouais, d'accord, et il y a un programme du jeu. En plus il y a des profs qui mettent sous pression au-delà en fait du jeu, et qui provoquent incidents qui ne sont pas qui sont programmés, mais qui sont humainement déclenchés, on va dire. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant cet aller-retour entre justement des choix de formateurs qui sont autour pour déclencher quelque chose au sein du jeu qui rejaillit sur celui qui va être formé. Alors après, ça pose la question plus largement dans votre podcast Ludologie de est-ce que ça reste encore un jeu, hein. Ah bah ça a été le sujet tout au long de cet épisode-là. Mais ouais, c'est vrai que sachant que là-bas, pour ça, c'était l'exercice, c'était la mise en pression. L'apprentissage était sur la gestion de la pression, du stress et la réaction à l'imprévu pour ses étudiants. Mmh. Et cet exemple est assez intéressant, et je vais prendre ma case, je vais faire comme si j'étais Emmanuel, notre camarade qui est plutôt spécialisé dans le jeu de rôle papier, et où en fait effectivement le jeu de rôle papier, on peut le définir comme une création fictionnelle, non linéaire et collective, en direct, où on a un maître de jeu ou pas d'ailleurs, qui vient en fait adapter la narration en permanence aux inputs du joueur. Je trouve cet exemple assez intéressant de voir comme le micromanagement en fait de ça. Moi j'ai plus de questions, je sais pas si tu en as encore, Fanny. Moi il y a juste un point. On ne l'a pas du tout évoqué, mais parce que je me pose la question par rapport à tout ce qu'on a pu dire, quid du geocaching, les choses comme Pokémon Go, Ingresk, où là on est dans une pratique de jeu mais qui s'ancre dans le réel avec vraiment interopérabilité entre les deux, et je me dis, est-ce que là on est sur de la métalepse, parce que c'est vraiment dans le concept du jeu, donc on n'est pas sur de la transgression, mais en même temps on est aussi sur une forme de transgression parce que le jeu vient dans le réel complètement. Et voilà, c'est juste cette question-là, peut-être en forme d'ouverture, si c'est la dernière. Ah bah c'est une belle ouverture, je crois que c'est celle que je fais aussi dans l'article, parce qu'il y a plein de nouveaux dispositifs effectivement qui fleurissent. Donc là tu cites quelque chose de l'ordre de la réalité augmentée, avec la possibilité de voir à travers l'écran quelque chose en plus de la couche réelle se superposer. Il y a ça, et puis on peut penser aussi à ce qui, depuis 2 ans, occupe beaucoup de monde en réalité virtuelle, avec, là je parle, la réalité virtuelle avec les casques, ou quid de forme de métalepse, étant donné que le postulat, c'est quand même de dire, je vais mettre un casque, donc je vais d'office plonger, donc métalepse, au cœur du dispositif. Mais qu'est-ce qui reste alors, au-delà de toujours les métalepses fonctionnelles, en termes de transgression de ces univers une fois que je suis dedans? Et très franchement, c'est passionnant, et on aura peut-être l'occasion de faire un autre épisode sur ces différents formats très, très spécifiques et qui demandent encore plein de développement. Oui, c'est ça. Et puis, on faut qu'on voit aussi où est-ce qu'ils vont, parce que c'est vrai que c'est encore nouveau. Et en fait, techniquement, si c'est un nouveau format, il y a un moment où ils trouveront une transgression, et je serais très curieuse de voir quelle pourrait être la transgression dans quelque chose qui s'ancre déjà ou par sa forme. C'est déjà une intrusion dans le réel ou dans le virtuel. Enfin, ça dépend de quel point de vue on se place. Eh bien, au risque de faire de la publicité, mais de la publicité pour une revue de chercheurs, Il y a un numéro d'interface numérique qui va sortir prochainement dans laquelle j'ai essayé de creuser ce que ça voulait dire d'être dans de la réalité virtuelle en termes de posture et de ce que ça pouvait impliquer dans la relation au récit. Donc, toujours ma marotte aussi en regard avec les Metalps. Bon, bah, to be continue. Ça sort quand, du coup ? Je crois que c'est sorti, ou en tout cas, si c'est pas là, c'est dans les toutes prochaines semaines. Pour rappel, on enregistre ce podcast le 14 février 2019. Donc, voilà. Ouais, et de mémoire, je crois qu'on va diffuser. Vous serez sûrement au mois de fin mars quand vous écouterez ça, je crois. J'ai plus la prog en tête. Mais ça doit être ça. Le numéro sera sorti, alors c'est sûr. Bon, bah, très bien. Bon, bah, on pourra le partager aux auditeurs et auditrices, du coup. Du coup, si Adrien, là, t'as plus de questions, on va te poser. On a une question, en fait, qu'on pose à tous nos invités, qui est pas du tout liée à notre sujet. Mais toi, du coup, en tant que joueur, est-ce que tu veux bien nous partager ta première expérience de jeu marquante ? Waouh. Oui, bien sûr. Alors, en tant que joueur, c'est marrant de le dire comme ça, parce que je vais plutôt dire en tant que ex-joueur, j'ai beaucoup joué, et puis je suis davantage passé après sur de la conception, et beaucoup moins joueur. Mais première expérience de jeu, je crois que c'était avec, ça remonte, avec une Atari 2600, et je sais plus quel jeu, j'en avais une petite série, c'était Sublime. À retrouver derrière et à ressortir, c'est incroyable, comme la mémoire a travaillé, et en tout cas la technologie aussi, parce que c'est affolant de voir juste des petits carrés qui me fascinaient autant à l'époque, et puis je parle même pas du son qui était d'une qualité si faible et pourtant si enivrante. Donc le souvenir est très flou, hein, très franchement, ça remonte. Mais c'était captivant. Il y a peut-être un autre souvenir plus récent qui était de refaire du jeu à travers la VR. J'ai eu l'occasion de passer une grosse journée à essayer des tonnes de jeux. Et là aussi, avec quelque chose d'enivrant, avec un bon mal de tête à la sortie. Eh bien, merci beaucoup pour cette heure et à peu près 1h15 passée ensemble. Donc, je te représente. Tu es Sébastien Alain, chercheur donc à l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines et comment dire, game designer, si je résume bien, à SBT Human Matter. Ça fait partie de mes casquettes, oui. Bon, voilà, ça passe. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Merci à vous deux. Et je laisse Fanny conclure. Et pour conclure, merci du coup aux auditeurs, aux auditrices de nous suivre. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à liker sur les réseaux sociaux, à nous partager, nous mettre des petites étoiles sur iTunes. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir. Et en plus, ça nous aide à être plus visibles. Et si vous voulez également nous soutenir, vous pouvez nous retrouver sur Tipeee. Donc Tipeee, Tipeee.com/studio-dilettante. Et un grand merci à nouveau à Gaël, Mathieu, Emmanuel, Lacariade, Christian et El Blaireau, qui sont nos premiers tipeurs et tipeuses. Et du coup, on va se retrouver dans 15 jours pour un autre épisode de Ludologie, et j'ai aucune idée de ce qu'il sera d'ici là. Et en attendant, surtout, continuez à jouer à des serious games, à des jeux vidéo, à tout ce que vous voulez, jouez tant qu'on a le droit. Merci à vous.